Les voyageurs de Destroy 84 en partance pour Destroy 85 sont priés de prendre leur billet au Fraction Studio. Bon voyage. Bon voyage à bord de Destroy 84. Bonne année. Bonne santé. Bonne année. Bonne santé. Bonne année. Bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. De la part de Monotorincel, qui vous souhaite une bonne année. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Bonne santé. Bonne année. Et merde. Et merde. Et merde. L'émotion me gagne, je ne sais quoi vous dire. Et merde. Bonne année. Bonne santé. Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Bonne santé. Et merde. Bonne année. Bonne santé. Un solo de basse maintenant, un solo de basse. Bonne année, bonne santé. Et merde. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. On va recommencer les solos. Allez, la batterie maintenant, plus fort.